Je le dis de tout mon cœur, car je ne prêche pas en vain, mais je prêche pour des résultats. Et c'est la même puissance de résurrection. Il y avait Rabbi William Branham dans l'au-delà. Oui, il faut faire voir les gens qui se tenaient là-bas. Les croyants rachetés qui avaient traversé les rideaux du temps. Aimez-vous pas? Je vais lire ici dans le serpent écrasé. Pour que vous compreniez encore une vérité. Le serpent écrasé. Publication du 11 juin 1961. Apocalypse chapitre 5, première partie. Paragraphe 107 et 108. Il dit, maintenant nous savons les arts. Donc, esprit soupire après la pleine adoption. Mais maintenant, nous en avons les arts. Et Teniyayambo. C'est ce que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Mais notre esprit soupire après la pleine adoption. Mais maintenant nous en avons les arts. Quand nous recevons le Saint-Esprit, ce sont les arts de notre complète adoption. C'est notre salut complet. Et c'est j'aime vraiment cela. Nous attendons la plénitude de l'adoption. Quand cela aura-t-il lieu? Lors de la première résurrection. C'est alors que nos corps seront changés. De ce corps abject que nous avons aujourd'hui, à être semblable à son corps glorieux. C'est lors de la première résurrection. Car nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Quand il paraîtra, nous paraîtrons semblables à lui. Nous serons un corps semblable au sien, un corps glorieux, un corps glorifié, et toutes les épreuves et les luttes de la vie s'évanouiront en une légère brume qui s'envolera et qui n'existera plus jamais. Voyez ça, Dieu nous l'a promis. Et il l'accomplira bientôt. Il dit ceci. Nous soupirons maintenant dans ce tabernacle de terrestre. En attendant que le salut vienne dans sa plénitude. Mais maintenant, dans ce tabernacle d'argile, il y a quelque chose qui nous dit que nous avons déjà cette position. Amen, hein? Mais comprenez-vous, frère Doche, c'est le petit paiement comptant qui assure la propriété du bien. Quand tu vas acheter une parcelle et vous comprenez, bon, tu n'as pas encore tout l'argent, ou juste par mesure sécuritaire, tu donnes un compte, et je paye d'abord ça pour voir un peu ce qui va se passer après, et puis tu vas solder un jour. Tout comme tu peux avoir les tours, mais tu payes la compte pour voir d'abord les réactions. Si un conflit ne va pas apparaître. Et Dieu aussi, il nous donne les arts de l'esprit. Comment vous allez vous comporter avec l'onction qu'il vous donne? Si vous serez un enfant obéissant ou désordonné. Si vous serez très fidèle à la parole ou désobéissant. Si vous vous qualifiez, chemin faisant jusqu'au bout. Vous donnez le Saint-Esprit pour combattre. Et le Saint-Esprit qu'il donne, il vous assure une résurrection spirituelle. Je veux combattre en ce moment. Autrefois, quand nous fermions les choses du monde, quand nous péchions, quand nous marchions en accomplissant les choses du monde, et que nous ne nous préoccupons pas de Dieu, nous étions éloignés de Dieu, nous étions sans Dieu, sans Christ, nous étions dans le monde. Mais maintenant, Dieu a envoyé son Saint-Esprit par lequel nous sommes arraché à ce monde. Alléluia, alléluia. Arraché. Nous ne devons plus le pas dedans. Il nous a arraché à ce. Ça ne peut plus nous dominer. Mais comme ça, nous sommes préoccupés. Nous sommes libérés. Par le pouvoir souverain de Dieu. Et tu es un arraché? Au bout de la main? Que Jésus t'est arraché. Tu total un go, tu vas encore aller manger ce qu'il y a que le chien qui peut retourner aux choses qu'il a vomi. Nous attendons et nous attendons les mois. Nous attendons les yo, yo qui sang au malam. J'ai entendu la bonne nouvelle. On l'a dit qu'on dit sang au malam. J'ai dit que tu as cru. On prenait baptême à la main, il faut qu'on cabane à la main. J'ai choisi d'être baptisé. On dit baptême à la main. Pourquoi est-ce qu'il m'a commencé sur Christ? J'ai eu le baptême au nom de celui qui est là. Au monde, j'ai dit non, j'accepte la croix. Au monde, j'ai dit non, j'accepte Jésus. Et après, je retourne ma rose dans le sens du monde et je commence à le faire. Il y a derrière une femme pour convoiter, derrière un garçon pour. On va ici, moi, on va baptiser. On va faire la. Nous vous voyez son qui est la main de Dieu. Est-ce qu'on t'a vu vraiment lâché? On doit bien se revoir. On est le de mon frère, yo sais. On ne peut pas te parler au bien. On est fait qu'on arrive à quelque chose. Il y a sur la Bible, on est arraché. Si réellement, on arraché de la gloire, on consomme la chance. C'est pour ça encore la voix. Comme un chien. Le colaïm boit. Pareil à un chien. On songe le coup d'un gouloubé a songé la poto-poto alors que Zamba a été mis en bas pembé. Semblable à un cochon qui en a déjà revêti des amis. Il y a un peu de qui rentre encore dans la gourmet. Vraiment le Jésus de la Bible. Seul le pensée est sur la Bible. Faire un travail inefficace. A faire un moussalé, c'est qu'il n'y a pas encore. On a une limite. Si le Fils vous approche, ce qui m'en est comme monsieur, vous serez réellement libre. C'est le présent de la maison. Le Brenham dit qu'il a un vaccin très efficace. Notre Brenham a bien fait un mongolé à ma casse pour le cas. Qui a une toxine dedans. Vous allez dans le monde. Et une fois inoculé, ce qui m'a tué, vous vaccinez contre le péché. Et protégez pour ne plus tomber. Amen. Père, battez-le, vous faites un peu de soucis. Amen. Amen. Zouatonga. Amen. Oh, y'a Yeshi Yemei. Il faut être vacciné par Dieu. Zouatonga contre les soumous. Contre les désobéissances. Contre la mondialité. Contre l'incrédulité. Contre les iniquités. Contre les rébellions. Contre les mondes. Contre les mondes. Il faut pas toujours. Il faut pas toujours nous. Mais je peux continuer à nous bien dire. Mais est-ce qu'on pousse bien? Mais qu'on pousse bien? Qu'on pousse bien? Attends, il y a une ligne. Serrez le cœur. Mes effets commencent. Amen. Le président dit que la tentation peut venir. Tu auras comme l'impression que Satan a produit les effets. Mais c'est comme juste un petit vent là qui n'a pas d'impact sur vous. Amen. Vous sentirez qu'elle ne vous bouge pas. Elle ne fera jamais changer votre position. Elle ne provoque aucune peur de tomber. Mais les tentations les oyas. Ce qu'on a dit, nous l'envoie. Si tu étais bien. Mais qu'ils ont rappelé que tu aimais autrefois. Mais ça ne te fait rien. Ça ne te fait absolument rien. Cigarette, même chose. Dindumba, même chose. Bandumba. La prostitution. Et à mon frère, je suis pas dans l'église, Bandumba. Ah wa wa wa. Bater, Dindumba. Ah wa wa wa. Parce qu'ils ne sont pas encore arrachés. Parce qu'ils n'ont pas encore arrachés. Ils sont allés nous tromper. Qu'on se dise la vérité. Ils disaient que les gens. Ils sont allés prendre leur baptême. Ce sont des menteurs et des menteurs. Ils n'ont pas une abbasse. Ils ont trompé cette église. Pour vivre ensuite dans l'hypocrisie. Peut-être que mon épique dans la Bible nous parlait à mon pote. Dieu te voit. Jamais, avec mon monde. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Avec mon monde, nous allons te faire. On va battre à ma voix. Jugement égoïste. Où est-ce que tu vas te cacher? Le jugement égoïste. Le corona voilà, c'est toi, je n'ai pas de temps de ça. Amen. Pour gagner la terre, je vais s'en malade. Amen. Pour gagner la terre, ni sera ni qu'il est mon avion. Et quand on peut imaginer, quand on peut libérer la terre, le jugement des trônes blancs. Après, on le dit de Gatamoulini, on se passe à Yaka. Il y a la place à l'hôtel. Et si vous allez me encore baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a la place à l'hôtel. Si vous allez me dire, à la fin de la prédication, viens à l'hôtel ici. Et la sous-canalité, Yaka n'a été. Pour prendre le baptême chrétien. Et mais ne pas suivre la trace des menteuses et des menteurs. On a dit que nous avons choisi de changer. Et Dieu a pris acte de notre volonté, il nous soutient. Tu veux le changement, tu vivras le changement. Autrefois, quand nous aimions les choses du monde, quand nous pêchions, que nous marchons en accomplissant les choses du monde, comme le Seigneur a dit ici. Et que nous ne nous préoccupions pas de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions sans Dieu, sans Christ. Nous étions dans le monde. Mais maintenant, Dieu a envoyé son Saint-Esprit par lequel nous sommes arrachés. Et maintenant, nous avons les arts compte le prix à compte, l'avance que Dieu a donnée pour nous rassurer que nous serons présents dans la résurrection d'entre les morts. Maintenant nous avons les armes afin que nous sachions que nous sommes passés de la mort à la vie. Tu as trouvé? Non, non, non. Ok, frère Rémi. Je vous l'ai dit, Jésus qui parle. Voilà. Et vous n'avez pas dit amen? Parce que c'est frère Rémi qui a lu. Ou c'est la parole qui est lue. Nous ne disons pas amen à frère David ou à frère Rémi, mais à la parole. Le Seigneur dit en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute mes paroles, qui croit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Il ne viendra point en jugement. Il dit que le là, jugement, pas que l'on yokuna. La puissance de l'intellection qui nous révèle ça. Maintenant le Seigneur dit que si tu entends sa parole, et tu crois au Saint-Esprit du Père qui l'a envoyé, tu as la vie éternelle. Et tu ne viendras pas dans le jugement. Parce que tu es déjà passé de la mort à la vie. Imaginez ça. Ton corps n'a pas changé. Ton corps physique reste le même. Mais ma parole déclare que tu es déjà passé de la mort à la vie. Mais ton corps physique ne change pas. C'est le même corps que l'on connaît de toi là qui était dans le monde, qui était à l'école, qui était ici au stade, qui était là-bas dans les salles de cinéma. C'est le même corps. Mais quand Dieu te donne cette grâce, direction spirituelle, dont je parlais tantôt, ton physique reste pareil. Les corps restent similaires. Mais l'intérieur sera profondément changé. Qu'est-ce qui assure ce changement-là? La même puissance de résurrection. Qui te fait passer par cette étape. Qui te prépare et te rassure. Par l'étape de l'heure qui vient. Où les morts entendront la voix du Dieu. Pour quitter l'entombement. À cette étape-là, tu seras présent. Tu entendras quand il criera. Tu répondras comme la sœur, mais voici. Car dans la première heure qui est déjà passée, et donc Jésus parle au chapitre 5, 6 chapitres après ça, dans Jean 11, les effets de la première heure avaient commencé. Le premier mort d'entre les morts a entendu la voix du Fils de Dieu. On s'appelait Lazare. Il fait partie de ceux de la première heure de la résurrection dans les morts. Êtes-vous là? Jésus dit au chapitre 5, l'heure vient. chrétien continue à être une heure qui vient, jusqu'à maintenant. Mais nous sommes en train d'entrer déjà dedans. Parce que la puissance de résurrection est déjà venue dans ces derniers jours. Christ le ressuscité est apparu, je vous ai montré l'image. Le ressuscité, il est apparu, il s'est fait photographier. Nous sommes dans un cycle. Nous sommes dans un calendrier. Où ceux qui sont dans les tombeaux entendront la même voix du Fils de Dieu. Non, pas tous, mais quelques-uns. Ceux-là qui entendront comme Lazare sortiront de sépulcres. Leur pierre tombale ne sera pas détruite. Leurs tombeaux resteront décorés comme par le passé. Nous l'avons entendu en semaine. Mais leurs corps sortiront de là. Quand Dieu te donne la résurrection spirituelle, pour le changement spirituel de ta vie spirituelle, ton physique ne change pas. Amen. Ton physique n'est pas détruit. Amen. Ton physique reste pareil. Amen. Ce que l'œil naturel voit restera intact. Amen. Les tombeaux, on continuera à les voir. Amen. La tombe de Branham, on continuera à les voir. Amen. Mais la résurrection aura déjà eu lieu. Nous avons entendu le temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Lazare a entendu, mais devant sa tombe, selon les coutumes de celui-là, on mettait une pierre. Et Jésus a demandé qu'on enleva la pierre avant que Lazare sorte de là. Mais savez-vous que lorsqu'il a poussé le cri à Golgotha, personne n'est allé mobiliser une quelconque pierre? Personne? Aucun ange? Vous voyez que Nathan n'a pas de temps. Nous avons mis en boucle à Bangor, les enquêtes sont venues de Bangor, les gens de Bangor, les gens de Bangor. La bangande Yesu a fait une petite natinette, Bangor a fait une petite natinette, Lazare a fait une petite natinette, Lazare a fait une petite natinette, Lazare a fait une petite natinette. Le cri puissant mêlé de foi. Et plusieurs corps de sang, dit la Bible, l'Ancien Testament, sortir de leur sépulcre. Nous l'avons lu dans la Bible. Savez-vous que David était un d'eux? Relisons quand même, nous sommes dimanche. Matthieu chapitre 26. Oh, comme c'est merveilleux. Matthieu chapitre 27. L'heure, la première heure qui est déjà venue. Où les morts ont entendu la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'avaient entendu sont sortis des sépulcres. Matthieu 27, verset 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est dans cette première heure déjà passée. Les événements ont eu lieu, ces morts sont ressuscités. Et David était l'un des saints de cette époque dans ces instants. Mais Yesu anganga kirisusu na mungongo makasi mpe atiki kopeni mpe tala ilambana tepelo epasoni mungona likolo kino nasi mpe mokili ya ningani mpe mabanga mapasoni mpe maita majipu mpe bipembe mingi na bato na sembo ba oyo bazalaki kolala esieku Et étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voilà la première heure de la résurrection d'entre les morts qui était déjà venue. Mais il y a une autre qui vient. Et après que ces événements aient eu lieu, Pierre qui savait que cela avait eu lieu, et à qui Dieu a confié la responsabilité sur la première église chrétienne. Voici ce qu'elle dit dans sa prédication. Dans les apôtres au chapitre 2. Il est dit ceci, verset 25 à 29. Car David dit de lui, il dit du Messie, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Écoutez maintenant le verset 29. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, attention, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Bandeko, na koki kolobanabino polele, nantena nan koko baori. Eto akufaki, mpe akondami, peli yita na ye, ezalikati na diso kino mwono oyo. Pourtant, c'est David dont il parle, après la crucifixion de Jésus, après l'ensevelissement de Jésus, après la résurrection de Jésus, après son enlèvement au ciel, après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, ce David dont Pierre parle ici, et du nombre des saints de l'Ancien Testament, déjà ressuscité. Mais il dit que sa tombe est encore parmi nous. Vous comprenez? Quand Dieu va accomplir cette résurrection, on l'a entendu mercredi, je pense. Je crois que Dieu enverra des anges avec des pelles. Hein? Pour venir faire des pompages. Allez, Et la résurrection s'accomplira. Où que tu seras, parce qu'il est prévu que ceux qui entendront cette voix du Fils de Dieu vivront. Ressusciteront. Écoutez le commentaire qui est fait au sujet de l'autre période dans Apocalypse chapitre 4, prédication prêchée le 31 décembre 1960. Apocalypse chapitre 4, première partie. Voyons un peu les bonnes choses qui sont dites là-bas. Du paragraphe 151 au paragraphe 155. Et c'est une appellation qui doit aider chacun de nous à se fortifier, à se préparer davantage et se tenir prêt. Pour la deuxième heure qui vient, celle dans laquelle nous entrons. Où les morts en Christ doivent ressusciter premièrement. La même voix qui appela Jean. Souvenez-vous, Apocalypse 4, verset 1. La même voix qui appela Jean, disant, la même voix qui dit à Jean, monte ici. C'est la même voix qui appellera l'église un jour. Amen. Qui appellera l'église. La même voix. Il est mentionné dans Jean 5, verset 25. Il est mentionné dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La voix d'archange. Il est mentionné dans Apocalypse 4, verset 1, comme un son de trompette. Et elle était à la fois une voix et une trompette. La même voix là. Celle qui appellera l'église un jour. Dans l'heure prophétique qui vient ici. Par laquelle tous les décors est déjà planté. Pour ce moment-là, tous les décors prophétiques sont déjà plantés. L'ecclésiastique est déjà planté. Mais c'est la même voix qui appellera l'église un jour. Suivez. De plus, la même voix qui a appelé Jean à monter. C'est la même voix qui appela de la tombe Lazare était mort. C'est la même voix de l'archange. La différence, c'est la même voix. C'est la voix du Fils de Dieu. C'est la même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange. Christ, il est la voix de l'archange. Christ, il est la voix de l'archange. La voix de l'archange. C'est Christ. Voyez-vous? Oh, ce son de la trompette. Ce son de la trompette de Christ. Qui appela Jean à monter. Et la même voix qui appela Lazare. Avez-vous remarqué qu'à la tombe de Lazare, il parla d'une voix forte? Il n'a pas juste dit Lazare. Sors. C'est Branham Mime. Un état de faiblesse de voix. Lazare, sors. Non, la Bible dit qu'il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Lazare, vive. La même voix là. Cela l'appela d'entre les morts. Et qu'est-ce que Lazare a fait? Et c'est ce que tu feras aussi quand tu seras dans l'au-delà. Alléluia. C'est ce qui t'arrivera. Quand tu vas dans l'au-delà. Écoutez comment Lazare avait réagi. Et il répondit, mais voici. Donc, quand il y a le cri à voix forte, Lazare! Avant que Jésus ne dise sort, entre les deux là, entre Lazare et les morts sort, et l'ordre de sortir, il y a eu la réponse de Lazare. Mais que les humains n'ont pas entendu qu'un prophète voit et révèle. Lazare, Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, car la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. La trompette. Qu'est-ce qui nous trompette? Il répond, c'est la voix de Christ. C'est quoi la voix de l'archange? C'est la voix de Christ. La même qui se fit entendre et l'appela à monter. Il entendit une voix, dit la Bible en Apocalypse 4, comme le son d'une trompette. Christ, quand il crie, il balance des phrases, des mots sensés. Mais les échos de cela, c'est tantôt des coups de sonneur, tantôt c'est comme un son de trompette qui a sonné. Nous entendons le Christ à la commande. À la commande, ma camomo kobo. Ma camomo à la commande, n'a pas de soucis. Et quoi, comme le poil à la commune avec le moto, comme nous en caquet. Qu'est-ce qu'il trompette? C'est la voix de Christ. La même qui se fit entendre et l'appela à monter. Il l'entendit une voix comme le son d'une trompette. Dis, monte ici. Voyez-vous comment la résurrection se fera? Ce sera en un instant, en un clin d'œil. Donc ce n'est pas une histoire de plusieurs années, le Seigneur est apparu, et puis le Seigneur, et puis il est mort. Non. En un instant, en un clin d'œil. Le maître de l'univers parlera. Il donnera les ordres. Et les morts qui entendront sortiront des tombeaux. Dit, ce sera la voix d'un son clair. Et il appellera l'église en disant, sortez de là. Et ce sera une forte voix qui appelle. Oh Dieu, aide-moi à l'entendre ces jours-là. Quelle prière. Oh Dieu, aide-moi à l'entendre ce jour-là. Peut-être que toi, tu seras aussi parmi les intérêts, les inhumés. Mais quand cet ordre traversera l'univers, la terre et tout, et les mers et les océans, pour que tous ceux qui ont été jetés dedans, même dans des forêts, soient ramenés à la vie, tu risques de ne rien entendre et de continuer à moisir là dans ta tombe. Et ce n'est pas bon qu'il en soit ici. Êtes-vous là? Ce n'est pas bon qu'il en soit ici. Je vais lire quelque chose ici dans une autre prédication. Toujours le prophète William Branham, Dieu tient sa parole. Du 20 janvier 1957, le paragraphe 70, je prends la troisième et quatrième partie de ce paragraphe. Paragraphe 70. Et pendant que la terre est plongée dans sa grande beuverie babylonienne, à boire du vin, à faire la bombe, et les femmes à moitié habillées avec des concubines comme en avait Nebuchadnezzar, il y a une main qui écrit sur la miraille. Les voyants voient la chose approcher, et qui montent plus haut que l'homme ordinaire. Et nous les voyons parce que c'est écrit dans la parole. Cette fois, ce ne sera plus l'eau, mais ce sera le feu. Et nous voyons l'écriture sur la miraille. Nous voyons que toutes les nations sont condamnées. RDC, condamné. RDC, Rwanda, condamné. Rwanda, Uganda, condamné. Uganda, États-Unis d'Amérique, condamné. États-Unis d'Amérique, Allemagne, Royaume-Uni, condamné. Afrique du Sud, condamné. Canada, condamné. Toutes les nations sont condamnées. Trouvez le salut en Jésus-Christ. Ne vous cachez pas de les nations de la terre. Elles sont déjà condamnées. Et Dieu va prendre son église. Dis ça. Ceux qui sont nés de nouveau. L'heure vient. Notre Seigneur Jésus a dit, l'heure vient. Et notre prophète Branham dit également, l'heure vient. Mais les décors, nous nous approchons de cette heure. Mais c'est toi qui viens donc Jésus à nos célébrés. Et Branham dit, l'heure vient. Pour ceux de l'âge de Luther. Ceux de l'âge méthodiste. Ceux de tous les âges. Ils se sont endormis avec des cœurs sincères. Quand le maïs n'était qu'une petite feuille. Et quand il était immigré. Mais toutes les étapes de cette vie se sont rassemblées. Et la résurrection aura lieu. Cette heure fait quoi? Bien. La deuxième heure de la résurrection d'entre les morts. Il est quelque part ici autour de nous. Très imminent. Tous ces gens formeront le glorieux et beau corps du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour bientôt. Il y en a qui entendront ça et qui vont s'en foutre. Ils continueront leur vie de routine. Tu as dit, Seigneur, ceux qui rejettent cela seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et des gémissements. Pour nous, quand nous entendons que l'heure vient, nous devons nous tenir tellement près que cela doit paraître comme si c'est maintenant. Hein? Êtes-vous là? Vous allez en, comme si c'est déjà maintenant. Dans le sermon, laissez échapper la pression. Le 18 mai 1962, la programme dit ceci au paragraphe 101. Je pense m'arrêter par là. Pour ce matin. Pensez-y. Et si vous mouriez ce soir? Et si vous étiez tué en route vers chez vous? Peut-être que tu peux quitter l'église ici en route. Au Koufi. Balle perdue. Naba échauffé, ce qui est alimenté, ce qui est wapi, qu'on a un combattant, ce qui est batolamouka, si c'est quoi? Une balle te ramasse et tu es parti. Neti, la semaine à l'Ossambo, l'Issa Seguego, Zoyou. Mais la prochaine explosion m'atteindra. Et même si ce serait le cas, que vous la bombe. Et que peut-être je vais mourir sans sépulture, sans qu'on aurait pu se retrouver ma tombe. Mais oui, auprès de Dieu, je suis identifié dans la parole. Quand il me donnera l'ordre, j'entendrai et je répondrai. J'aimerais que le monde sache ceci. Je crois la parole de Dieu. Chaque parole de cela. J'accepte cela dans mon cœur comme Jésus-Christ. Je crois que l'esprit qui est en moi dit et ponctue la, chaque parole d'un amen. J'ai vécu jusqu'à ce jour où chaque promesse qu'il a faite, j'ai vu cela s'accomplir. Le monde doit le savoir, ta famille doit le savoir. Je sais qu'il vient. Êtes-vous là? Je sais qu'il vient pour une église et elle sera certainement minoritaire. Qui de vous dit amen? Il sera surpris s'il en sortait 12 de cette génération. Vous vous rappelez? Le Seigneur qui vient, il vient pour prendre une église, mais cette église sera certainement minoritaire. Par motif égoïste qui aimait regarder aux assemblées trop populaires où il y a beaucoup de gens. Vous pensez que c'est là que Jésus opère. Il se cache dans la simplicité. Amen. Comme toujours. Les prophètes disent que là où il y a le monde qui abonde, les gens qui abondent, qui se multiplient, c'est là que le péché aussi s'accroît beaucoup. Vous pensez que si nous n'étions qu'une assemblée de 5 membres ici, il allait y avoir autant de livraisons à Satan? Non. Des livraisons à Satan. Vous pensez? Si on était qu'une assemblée de 5 membres, on allait compter autant de frères têtus qu'on sanctionne que livraison à Satan. Et même des sœurs, des femmes têtues. Et mais c'est quand on devient nombreux comme ça. Et plus on va continuer à nombre, plus les gens vont continuer de bêtises. Là où il y a des foules et tout, c'est les péchés qui brillent aussi là-bas. Dieu est dans la simplicité. C'est ainsi que son groupe est toujours taillé. Il y a même des membres de l'église, de cette église, dont certains, je les ai entendus. Pasteur, ce que nous avons dit, le pasteur, nous avons dit, nous avons dit, Vous vous a révélé. ton lit à Wakou, là-bas, les noms, c'est ton lit, et tout autour. Ah oui, c'est bien. Là-bas. Mais pour quelle qualité de vie? Kasi, bon, il y a un c'est l'escroquerie, des coups bas, qui critiquent ton père. Et d'autres commencent à tresser même les cheveux à l'église, en plein culte. Des femmes qui tressent les cheveux, et d'autres qui se cherchent des poux sur la tête. Pour ne pas être trop nombreux. Pourquoi tu m'as promis de le mettre au sous-sol? Mais là, quand on va être ici, quand on aille. Mais il a dit, ouais, c'est. Mais quand c'est église, aucun respect. L'immédiat est à vous guetter. Dans l'ensemble. Je sais qu'il vient pour une église. Elle sera certainement minoritaire. Je vais te faire ici, ça qui sait si encore la moitié de cette église va s'en aller? Non, mais elle est Il y a un peu de temps. Je sais qu'il vient pour une église. Et cette église sera certainement minoritaire. Comme il a dit, des deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et des deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Une résurrection universelle, un enlèvement. Soyons prêts pour cela, mes amis. C'est maintenant lui qui a dit que l'heure vient. Par rapport à la préparation. L'heure vient pour la résurrection. Mais par rapport à la préparation, il dit, c'est maintenant l'heure. Pour se préparer en vue de cette résurrection. C'est maintenant l'heure. Après l'heure de préparation vient l'heure de la résurrection en question. Nous passerons d'une heure à l'autre. D'une chose à l'autre devant. Quel beau temps ici au bord de ce grand lac, ici où nous sommes. Jésus l'avait fait en Galilée avec le Saint-Esprit ici même dans notre salle ce soir. Et nous voyons sur des gens alors que dans cette petite foule de 100, 150 ou 200 personnes, pratiquement deux tiers d'entre eux ont levé la main. Répentons-nous. Répentons. Est-ce que chacun entend la voix du Seigneur? Amen. C'est maintenant l'heure de préparation pour se tenir prêt. Pour l'heure de réception entre les morts qui fera suite à cette heure de préparation qui est en cours. Répentons-nous de tout mal, de tout péché, de toute impiété, de toute iniquité. Répentons-nous. Que Dieu bénisse cet évangile. Nous nous mettons maintenant debout pour la prière. allons chacun prier Dieu maintenant. Si toi tu n'es pas encore prêt ni engagé dans la voie de Dieu, il y a la place à l'autel. Nous continuerons à appeler et appeler jusqu'à ce que le temps soit fini. Celui qui aura honte de Jésus-Christ et de son évangile ici devant les gens, devant les humains, Dieu aura aussi, le Fils de Dieu aura aussi honte de lui devant le Père. N'ayons pas honte de pratiquer l'évangile. N'ayons pas honte d'obéir à l'évangile. N'ayons pas honte de prendre la position pour Jésus-Christ. Pour ce message de l'évangile. Kolo Yesu aboya kamoto eyote atayoteli mabidi kijusu akubyanga yusaka oya epai kaji akubungula yo okoma santo si la verite. Ayant compris qu'il est le seul et l'incontournable, l'indispensable pour ta vie. Si tu n'es pas un homme dans tes yeux, alors qu'est-ce qui comptera pour toi sur la terre? Si Dieu ne peut pas t'approuver, alors qui d'autre le fera? Répands-toi-nous. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Engageons-nous dans sa voie. Il est le sauveur véritable. Aucun de nous ne peut se sauver soi-même. Mais nous avons réellement besoin d'un sauveur. D'un sauveur qui nous aide, qui nous secoue. Qui nous relève et nous soutient. Qui nous assure de meilleurs lendemains. Jésus est celui-là. Jésus-Christ est son nom. Il est compatissant et miséricordieux. Il peut vivifier ceux qui se meurent. Chacun de nous va prier maintenant. Et ceux qui sont à l'hôtel, et ceux qui sont dans le ranger. Un jour, toi qui traînes là-bas derrière, tu crieras au secours, Jésus ne t'écoutera plus. Alors le temps sera passé. Tango, tango, collègue. C'est maintenant le jour du salut. Maintenant le temps de grâce. Maintenant le temps où Dieu pardonne encore le cœur et le péché. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve encore. Invoquez l'Éternel ce qu'il est prêt. N'attendez pas trop longtemps. Le méchant abandonne sa voix. L'homme d'iniquité, c'est mon père, je pensais. Le mot qui est le témoin m'a bé. Diga la galice m'a bé. L'homme en couna, bien mal à vivre quand elle va là. Je suis Satan, il t'appelle. Yes, Satan, il te fait, il t'appelle. Je le rejette aujourd'hui, il te rejette pour toujours. Élevons les mains, nous tous. Nous allons lui adresser nos prières, notre adoration, notre reconnaissance et aussi nos requêtes, les différents besoins. Ta présence est dans la salle pour prêter avec nous. Sors de ta routine. Et prie, parle à Dieu. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, alléluia, quel jour de gloire, quel jour de gloire, quel jour de gloire, quel jour de gloire, quel jour de gloire, quel jour de Viva! Je serai en avant quand Jésus reviendra. Je serai avec vous. Oui, moi. Quand Jésus revient. Quelle expérience que d'être sauvé par Jésus, d'être délivré par sa main, d'être arraché au pouvoir de Jésus, à l'esclavage du péché, des choses périssables, des vaines gloires et des vanités, et que la main de Jésus t'arrache à ça. Quel privilège d'être contre parmi les rachetés, les humbles du peuple de Dieu. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions ce matin et t'adorons pour la parole de vérité qui a été prêchée, qui a été entendue, qui a été reçue, qui a été crue par ceux qui sont sincères et veulent être sauvés. Reçois chacun devant toi. Introduis les dans cette profonde communion avec Christ pour être rendu vivant par la foi, par la foi et pour la foi. Oh Dieu, pardonne nos péchés, apprends-nous la paix de Dieu, fais-nous connaître le salut de Dieu par le pardon de nos péchés, pour qu'à notre tour nous sachions pardonner les autres à tous ceux qui nous ont offensés, que nous soyons réconciliants, que nous soyons modérés et pacifiques, exemplaires à tous égards. Écoute notre prière, change ton église, change le comportement de chacun de nous. Change le caractère en profondeur. Ressuscite-nous spirituellement pour nous rassurer de la résurrection physique bientôt. Oh Dieu, révèle-nous ces choses. Que chacun se prenne en profondeur pour s'y appliquer et s'y attendre. Et que toi qui vis éternellement, concrétise tout ce que tu approuves. Comme la prédication l'a indiqué, tu as la vie. Et tu peux transmettre la salle. Tu peux vivifier même les cadavres. Même ceux qui sont morts dans le péché, dans leur souffrance, tu peux les vivifier dans la foi. L'heure était déjà venue, une autre heure vient. Nous ne voulons rater aucun rendez-vous de Dieu. Apprête nos cœurs, Seigneur. Aie pitié de nos âmes et conduis chacun de nous au confort vers la perfection, dans une marche constante, une communion constante avec Dieu, une communion merveilleuse avec Christ, le vivant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous t'adorons en laissant ceux qui sont venus en le terrain de quatre mains. Tu connais le besoin profond de chacun. Tu connais le besoin de consécration, de se donner à Dieu. Et l'engagement pour Christ conduit tout pour ta gloire, en ton temps et de ta façon. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse.